بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Et donc nous allons commencer le cours 5 concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقلنا إننا سنتكلم Nous avons dit que nous allons aborder aujourd'hui le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Shem lorsqu'il était enfant. فَجَاءَ عِنْدَ التِّرْمِذِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي قَالْ خَرَجَ أَبُو طَالِبْ إِلَى الشَّمْ وَمَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam فِي أَشْيَاخِ قُرَيْشِ. Et donc il a été cité dans le recueil de Tirmidhi, selon le hadith de Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que Abu Talib est parti au Shem et il avait avec lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains chouyours parmi les chouyours de Quraysh, donc les hommes âgés, les anciens de Quraysh. Qala falamma ashrafu 'ala ar-rahib wa huwa alladhi yusamma bi بحيرة كما جاء في بعض الروايات هبطوا فحلوا رحالهم خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل والعجب أي والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم. Et donc il nous dit Abu Musa al-Ash'ari, lorsque ceux-ci, c'est-à-dire Abu Talib, le prophète et les anciens Quraysh, lorsqu'ils furent arrivés près du Rahib, le moine, un moine chrétien, qui a été appelé Buhayra, comme dans certaines narrations. Certains savants ont dit que toutes les narrations qui stipulent son nom sont fausses, c'est-à-dire sont faibles, chaînes de transmission qui sont faibles. Et d'autres savants vont dire, oui, il s'appelait Buhayra. Et donc, qu'il s'appelait Buhayra ou pas, Al-Muhim, ce qui est important, donc cet homme, ce moine chrétien, lorsque eux se sont rapprochés de l'endroit où il était, il est sorti. Il est sorti de son sanctuaire, de l'endroit où il restait, alors que d'habitude, à chaque fois que ceux-ci passaient, il ne leur accordait pas d'importance. Il ne se retournait pas vers eux, il ne leur accordait aucune importance. Mais là, ce qui est surprenant, c'est qu'il est venu, vers eux à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec eux. فَخَرَجَ وَمَرَّ عَلَيْهِمْ وَعِنْدَمَا نَزَلَ بِهِمْ ظَلَّ يَتُوفُ حَوْلَ الرِّحَالِ وَيَتَخَلَّلُ الرِّحَالِ. Et donc eux, ils avaient délaissé, ils avaient laissé leurs bagages, ils avaient laissé leurs affaires et ils s'étaient installés, ils se reposaient. Alors lui, il est allé vers eux, il les a dépassés, c'est-à-dire qu'il a dépassé l'endroit où il était, jusqu'à ce qu'ils tournent autour de leurs bagages, autour de leurs affaires. Comme s'ils cherchaient quelque chose. Comme s'ils cherchaient quelque chose. فَوَقَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَلْ هَذَا سَيِّدُ الْعَلَمِينَ بَعَثَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ. Allahu Akbar. Et donc l'homme, il est arrivé au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris sa main et ensuite il a dit, celui-ci est le souverain de l'univers, le leader. Allah l'a envoyé par miséricorde pour l'univers. Et ça, c'est qui disait ça? Un chrétien. Par miséricorde. Et oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu par miséricorde pour l'univers. Ce n'est pas radicalisme ou autre qu'on peut entendre. Non, c'est miséricorde. Cette belle religion dont on a parlé. Et on va parler encore, inshallah ta'ala, pour expliquer aux gens qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quel est le message avec lequel il est venu sallallahu alayhi wa sallam. فَأَشْيَخُ قُرَيْشِ لَمَّا رَأَوْ هَذَا الْمَوْكِفِ مِنْ هَذَا الرَّاهِبِ. Et donc les anciens de Quraysh, lorsqu'ils ont vu cette réaction, ce comportement de ce moine, ils furent surpris. particulièrement que c'était un chrétien qui dit cette parole, ils furent choqués. وَقَالُوا لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا. Quelle science as-tu de cela? Quelle est ta preuve? Quelle est ta preuve concernant le fait que cet homme sera le souverain de l'univers? Ad-dalil, toujours. Manhaj ad-dalil, la voie de la preuve. On demande toujours la preuve. Alors, فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى هَذَا الرَّاهِبُ وَغِمَامَةٌ تَتُذِلُّهُ. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rapproché de ce moine. Dans une autre narration, il est stipulé que ce moine, il avait avec lui à manger. Il avait préparé à manger pour eux. Et donc il avait de la nourriture. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, approche. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu vers lui. Et il avait un nuage au-dessus de sa tête qui lui faisait de l'ombre. Alors là, cet homme, il a dit, Unzuru! Alayhi rimama tudhilluhu. Regardez, il a au-dessus de sa tête un nuage qui lui fait de l'ombre. Alors, il leur a cité, il leur a montré la preuve qu'il avait. Je vous dis que c'est un des messagers. Il a été envoyé. Regardez la preuve, ceci est un miracle. Il a un nuage qui le suit et qui lui fait de l'ombre. Ensuite, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam raja ila qawmihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retournait donc vers les anciens de Quraysh qui eux étaient assis, وَقَدْ جَلَسُوا تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ. Ils se sont assis sous l'ombre d'un arbre et il n'y avait pas de place pour lui. فَجَلَسَ. Il s'est assis à côté d'eux mais pas à l'ombre. فَمَلَ إِلَيْهِ الظِّلِّ. Alors là, l'ombre de l'arbre a penché vers lui. Alors l'homme, الراهب, le moine, il a encore dit, انظروا, regardez, l'ombre a penché vers lui. L'ombre a penché vers lui. فَجَعَلَ يُنَاشِدُهُمْ يُنَاشِدُهُمْ بِاللَّهِ لَا تَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الشَّمْ. Alors il a commencé à leur demander par Allah, n'allez pas avec lui dans la direction du Shem. فَإِنَّ فِيهَا الرُّوم سَيَقْتُلُونَهُ. Car il y a là-bas les Romains. Ils vont le tuer. يَعْرِفُونَهُ بِأَوْصَافِهِ. Les Romains le connaissent. Ils connaissent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par ses caractéristiques. S'ils le voient, ils le reconnaîtront. فَإِذَا بِسَبْعَةٍ مِنَ الرُّومِ قَدْ أَقْبَلُوا. Alors lorsqu'il disait cela, c'est alors que 7 Romains approchèrent. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ. Il s'est donc retourné vers eux. فَقَالَ لَهُمْ مَذَا تُرِيدُونَ. Il leur a dit, que voulez-vous? Que désirez-vous? Ils dirent, هذا النبي جئنا لهذا النبي الذي هو خارج في هذا الشهر بلغنا أنه خارج في هذا الشهر. Ils dirent, nous sommes venus pour ce prophète. Il nous a été rapporté qu'il viendra en ce mois. قد بلغنا أنه سيأتي هنا. Quand, certes, il nous a été rapporté qu'il allait venir ici. Alors, nous sommes venus le chercher. وَمَا مِنْ تَرِيقٍ إِلَّا بُعِثَ فِيهِ نَاسْ يَبْحَثُونَ عَنْ. Et il n'y a pas une seule route, sans que des gens soient envoyés sur cette route pour le chercher. C'est-à-dire qu'on va le chercher, on veut absolument le trouver. فَجَعَلَ هَذَا الرَّاهِبُ يَتَكَلَّمُ بِهِمْ حَتَّى صَرَفَهُمْ. Et donc ce moine, il a parlé avec eux jusqu'à ce qu'il les a fait partir. Il les a fait donc aller dans une autre direction. فَبَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ إِلَى شُيُوخ قُرَيْش. Ensuite, cela, il est revenu vers les anciens de Quraysh. Et il leur a dit, أُنَاشِدُكُمْ بِاللَّهِ. Je vous demande par Allah, n'allez pas en direction du Shem. مَنْ وَلِيُّ. Qui est son responsable? Qui est le responsable de cet enfant? Abu Talib dit, Ana waliyo. Abu Talib a dit, je suis son responsable. Alors il lui a dit, Unashiduka billah. Unashiduka billah. La tadhhab bihi ila Sham. Ruddahu ila Mecca. Je te demande par Allah, ne va pas avec lui en direction du Sham. Renvoie-le à la Mecque. Renvoie-le à la Mecque. Hatta raddahu Abu Talib ila Mecca. وأرسل معه أبا بكر وبلالا jusqu'à ce que Abu Talib il le renvoie à la Mecque et il a envoyé avec lui Abu Bakr et Bilal. Certains savants disent que النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة حصلت وله 12 سنة. Certains savants disent que cette histoire elle s'est produite lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait 12 ans. Et donc Abu Bakr, il avait 15. Alors, j'ai entendu 15, 30, 22, 10. Qui a dit 10? Barakallahu fik, jazakallahu khair. On va chercher un livre pour lui à la fin. Inch'Allah. Et donc Abu Bakr, il a 2 ans de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on retient ça. Abu Bakr, il a 2 ans de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. Les savants ont divergé concernant ce hadith. Il y en a certains qui l'ont authentifié et certains qui ont jugé qu'il était faible. Et le cheikh, lorsqu'il a cité les différentes causes qui ont fait que certains savants ont jugé que ce hadith est faible, il n'a pas cité donc de causes dans les chaînes de transmission. Mais il a plutôt cité des causes dans le texte en lui-même. C'est-à-dire le fait qu'il y avait un nuage qui suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à un autre moment, ou une autre narration dans laquelle le rahib, le moine, lorsqu'il a cité ses preuves montrant la véracité de ses propos concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'y a pas un arbre ou pas une pierre qui ne se soit prosterné lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé. Et donc, il y a plusieurs donc, choses dans l'histoire qui a été citée qui a fait que certains savants ont jugé le hadith faible. Et d'autres savants ont dit non. Cela fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la chaîne de transmission est authentique, il n'y a aucun mal en cela. فمن العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث الإمام الذهبي. Parmi les savants qui ont jugé ce hadith comme étant faible, il y a l'imam الذهبي. ومن الذين صححوا ابن حجر وكذلك السيوطي الحاكم. Et donc parmi les savants qui ont authentifié ce hadith, il y a ibn Hajar ainsi que السيوطي الحاكم الترمذي. Et parmi les savants contemporains, nous avons l'imam al-Albani, rahimahumullah. فكما قلت لكم جاء في هذا الحديث أنهم لما سألوا الراهب عن دليله أن محمدا سيد العالمين قال إنني رأيت الأحجار والأشجار تسجد له فقال لم يبق شجر ولا حجر إلا خر له إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي ثم قال وإني أعرفه من خاتم النبوة. Et donc comme je vous ai cité précédemment, lorsque ils lui ont demandé ses preuves concernant ses propos face au prophète, il a dit yarhamukallah, il a dit certes j'ai vu les pierres et les arbres se prosterner pour lui et il n'y a pas un seul arbre ni une seule pierre qui ne se soit pas prosternée. Et certes, ceux-ci ne se prosternent que pour les prophètes. Et certes, j'ai vu chez lui, le sceau de la prophétie. Le sceau de la prophétie, qu'est-ce que c'est que le sceau de la prophétie ? وهذا الخاتم هو عبارة عن لحمة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc ce sceau, c'est une chair, un morceau de chair qui se trouve dans le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre ses deux épaules. Wa hiya ma'ila ila jihatil yusra. Et certes ce morceau de chair penche plus vers le côté gauche. Wa qila innaha bi hajmi baydatin saghira. Et il a été dit que cette chair elle est de la taille d'un petit œuf. De la taille d'un petit œuf au niveau, en haut du dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre les deux épaules. Wa qad ja'at ahadith kathira sahiha سواء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم فيها أن الصحابة قد رأوا هذا الخاتم. Et certes, il y a beaucoup de hadiths authentiques, que ce soit dans le Bukhari ou dans Muslim, qui stipulent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vu ce sceau, le sceau de la prophétie, et qui l'ont décrit. Wa kadhalika ja'a an Salman al-Farisi hinama kana yabhathu an al-haq wa kana yurid an yaqifa ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yu'min bihi. كان يسأل الرهبان والأحبار فكانوا يقولون له نعم سيظهر هذا النبي وله علامات فسألهم عنها. Et donc Salman al-Farisi, lorsqu'il cherchait la vérité. Mashallah. L'histoire de Salman al-Farisi, on la verra entièrement. Ici, on va voir juste un résumé de cette histoire. Mais cette histoire, elle est importante. La recherche de la vérité. L'importance de rechercher la vérité. Comment Salman al-Farisi, il a fait des efforts, il s'est fatigué pour connaître la vérité. Est-ce que cet homme est réellement un prophète ou pas? Ne pas se baser sur ce que ses proches disaient ou autres. Non, il est allé chercher des preuves par lui-même. Et c'est comme cela que tout musulman doit être en réalité. Tout musulman doit être comme cela. En réalité, imaginez-vous un non-musulman qui voit ce qui se passe aujourd'hui, les gens qui accusent l'islam de terrorisme ou autre religion dure, etc. Si la personne ne se base que sur cela, la personne ne va pas être attirée par l'islam. Mais la personne doit chercher la vérité. Quelle est la vérité? Est-ce que réellement c'est une religion de brutalité? Est-ce que réellement c'est une religion de criminalité? Est-ce que la personne cherche la vérité? Et c'est comme cela que le musulman doit faire lorsqu'il s'est converti. La sunna. Comment est-ce que je connais la sunna? Ah, il faut chercher. Est-ce que le prophète, il priait comme ça ou il priait comme ça? Est-ce que la zakat, il la sortait comme ça ou comme ça? Zakat al-fitr, il faisait comment? On cherche la preuve. On cherche la preuve. Et c'est comme cela dans toute la vie du musulman. Regardez, on a cet exemple donc de Salman al-Farisi. Lorsqu'il voulait connaître la vérité sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait donc demander aux moines et aux rabbins concernant les caractéristiques de ce prophète. Et eux, ils lui disaient, oui, il va venir ce prophète. Et il a des caractéristiques, il leur demandait concernant ces caractéristiques. فَقَالُوا لَا يَقْبَلُوا الْهَدِيَّةِ وَلَا يَقْبَلُوا الصَّدَقَةِ وَفِي ظَهْرِهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ. Et donc, ils lui ont dit que ce prophète, il accepte donc les cadeaux, mais il n'accepte pas l'aumône. Il accepte les cadeaux, mais il n'accepte pas l'aumône. Quelle est la différence entre un cadeau et une aumône? On l'a déjà abordé dans cette mosquée. La différence entre un cadeau et une aumône. Je donne 50 euros à une personne en cadeau et 50 euros à une personne tout de suite après en aumône. Quelle a été la différence entre les deux? Anniya, l'intention. L'intention. Tout simplement. L'aumône. Les savants, ils disent que cette aumône, en général, elle est donnée aux pauvres. Cette aumône, elle est donnée aux pauvres. Pour faciliter un musulman. Pour faciliter un musulman. Tandis que le cadeau, c'est pourquoi? El-Mahabba. El-Mahabba. Comme il a été cité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Tahadou, Tahabou. Donnez-vous, Tahadou, Tahabou. Donnez-vous des cadeaux, mutuellement, et vous allez vous aimer. Mutuellement. Cette religion toujours qui appelle à l'amour et pas à la haine. فَجَاءَ سَلْمَانُ يَبْحَثُ عَنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ ثُمَّ وَجَدَهَا فِي النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et donc Salman, il a commencé donc à chercher ces signes, les différents signes qu'on lui a dit. Et il les a trouvés, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne et il a vu donc tous ces signes qui lui ont été indiqué précédemment. Fait aman abihi. Il a donc cru en ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de hadith qui stipulent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont donc vu le sceau de la prophétie. Wa ja'at ahadith kathira fiha an al-khatam maktubun alayhi umurun. Et donc il y a certes beaucoup de hadith qui stipulent que il est stipulé donc sur cette chair, il a écrit quelque chose. Min dhalika annahu maktubun alayhi la ilaha illallah. Par exemple, il a cité que il a écrit sur donc le sceau de la prophétie, il est écrit la ilaha illallah. Wa kadhalika qila innahu maktubun alayhi Muhammadun rasulullah. Et donc il a aussi été dit qu'il est écrit dessus Muhammad est le messager d'Allah. فقالت العلماء جميع الروايات التي جاءت بذكر شيء مكتوب على خاتم النبوة فهي ضعيفة بل بعضها موضوعة. Et donc ils disent, les savants, que toutes les narrations qui stipulent qu'il y a quelque chose d'écrit sur ce sceau, et donc elles sont fausses. Certains savants ont même dit que certaines d'entre elles sont inventées. Certaines d'entre elles sont inventées. إذن حديث الراهب بحيرة سواء صح أو لم يصح فالرهبان كانوا في ذلك الوقت يعرفون أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc le hadith de Buhayra, le moine, qu'il soit authentique ou faible, il faut savoir que à cette époque, les moines ou les gens du livre de façon générale, ils connaissaient les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissaient les caractéristiques du sceau de la prophétie. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: "Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi." Lorsque leur est venu ce qu'ils connaissaient, ils y ont mécru. Et donc ils le connaissaient. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: "Alladhina atainahumul kitab ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum." Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ils connaissent leurs enfants. Comme ils connaissent leurs enfants. N'importe qui ici qui a des enfants reconnaît, il connaît les caractéristiques de ses enfants, leur voix. Tes yeux sont fermés et tu ne vois pas, t'entends sa voix. Tu sais, ah, lui c'est mon enfant. Lui, c'est pas mon enfant. Les enfants, ils sont en train de crier, ils sont dehors. T'entends la voix de ton enfant, ah, il y a mon enfant qui crie. Tu vois ton enfant de loin, c'est mon enfant. Les parents connaissent les caractéristiques de leurs enfants. Et comme cela, les gens du livre, ils connaissaient les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, ils les ont cachés. Ils les ont cachés. Wa qad ja'at awsafuhu fi at-Tawrat. Et certes, les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été citées dans la Torah. Ja'a fi sahih al-Bukhari min hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As annahu kana idha qara'a al-Qur'an 'inda qawli Allah ta'ala ya ayyuha an-nabi inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadhira kana yaqul hiya fi at-Tawrat ya ras ya ayyuha an-nabi. Et donc il a été cité dans le recueil de Al-Bukhari le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As que lorsqu'il récitait le Coran et qu'il arrivait au passage la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuha an-nabi, ô messager, inna arsalnaka shahidan, certes nous t'avons envoyé en tant que témoin pour eux ou contre eux, wa bashiran, annonciateur d'une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont suivi, wa nadhiran, mettant en garde contre un lourd châtiment pour ceux qui ont désobéi. Il disait à Abdullah ibn Amr, hiya fi at-Tawrati ya ayyuha an-nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa hirzan lil ummiyin anta 'abdi wa rasuli samaytuka al-mutawakkil laysa bifadhdin wala ghalidin wala sakhabin fi al-aswaq wala yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'ah wala yadfa'u bis-sayyi'ati as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah wa lan aqbidahu hatta nuqima bihi al-millata al-awja hatta yaqulu la ilaha illa Allah fayuftahu bihi a'yunan 'umya wa adhanan samma wa quluban ghalfa. Et donc il disait, Abdullah ibn Amr, lorsqu'il disait ce verset, il disait celui-ci, il est cité dans la Torah. Celui-ci est cité dans la Torah. Et ensuite il disait, Ayyuhan Nabi, ô messager, certes nous t'avons envoyé en tant que témoin pour vous ou contre vous, comme j'ai cité précédemment. Wa mubashiran, annonciateur d'une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont obéi. Wa hirzan lil ummiyin, une protection pour les ummiyin. Qu'est-ce qui est voulu par ummiyin? C'est-à-dire? Parce qu'ils n'ont pas reçu le livre. Ils n'ont pas reçu le livre. Ceux qui n'ont pas reçu de livre. Une protection donc pour ceux qui n'ont pas reçu de livre. Tu es mon serviteur et mon messager. Je t'ai appelé El Mutawakkil, celui qui met sa confiance. Et certes, tu n'es pas grossier, ni dur, ni tu ne fais de vacarme dans les souks, et tu ne repousses pas le mal par le mal, ou tu ne repousses pas la mauvaise action par une mauvaise action. Cependant, tu pardonnes, et tu oublies, tu sais oublier le mal qu'on te fait. Et certes, je ne le ferai pas mourir, c'est-à-dire sans messager, je ne le ferai pas mourir avant de redresser la religion tordue. On va expliquer ce passage, ne vous inquiétez pas. La religion tordue, on va l'expliquer. Jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah » et par sa cause, des yeux aveugles seront ouverts et des oreilles sourdes entendront et des cœurs enveloppés s'ouvriront. Wa fi hadha al-hadith, et donc, il y a dans ce hadith plusieurs passages importants. Et concrètement, on va arrêter là concernant la biographie, concernant le passage qu'a cité le Fier sur la biographie, mais on va développer un petit peu plus sur ce hadith. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de profit dans ce hadith que vous venez d'entendre. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ جَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ. Et donc, qu'il est venu en protection pour ceux qui n'ont pas reçu de livre. فَهَلْ مَعْنَ ذَلِكَ أَنَّهُ بُعِثَ إِلَى الْعَرَبِ فَقَطْ. Est-ce que cela signifie qu'il est venu, qu'il a été envoyé seulement aux Arabes? Et donc, la religion du prophète, c'est la religion des Arabes? Non. On entend souvent ça. Ah, c'est la religion des Arabes. Ah, c'est la religion des Arabes. La religion des Arabes. La religion des Arabes. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ou du moins Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Ô gens, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Envoyé à vous tous, les Arabes et les autres. Mais là, il a été stipulé, donc il est venu à cette communauté qui n'avait pas reçu de livre auparavant. Et donc, qui n'avait pas la science que les autres, ils avaient. Voilà pourquoi ils adoraient toute leur divinité, qu'ils avaient placée dans la Kaaba et autres. Mais ils n'avaient pas reçu cette science. Et donc, il commence avec eux. Comme il dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans Al-Jawab al-Sahih, il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé avec Quraysh, commencé avec les Arabes, puis toute la terre. Il a été envoyé donc, par miséricorde, à toute la communauté, à tout le monde. Et aussi dans ce hadith, wa fi hadha al-hadith, anna Allah tabaraka wa ta'ala yakulu ou annahu dhukira fi at-tawrat annahu Abdi wa Rasoul. Et donc, il a été cité. Donc, dans ce hadith, il est stipulé que Allah, il dit dans la Torah que, concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui-ci est son messager et son serviteur. Idhan, laysa lahu haqqun fil ibada. Et donc, il n'a aucun droit dans l'adoration. Il ne mérite pas d'être adoré. Nous l'aimons. Nous étudions sa biographie et nous invoquons pour lui à chaque fois, sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous n'exagérons pas. Nous n'exagérons pas en cela. Et nous ne faisons pas comme certains font, le fait d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de se déplacer jusqu'à sa tombe en pensant qu'il y a en cela une bénédiction, etc. Non. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit à son messager, « Kul, inni basharum mithlukum, yuha ilayya, annahu la ilaha illa ana. » Et donc dites, « Je suis un être humain comme vous. Je suis un être humain comme vous. Cependant, la différence qu'il y a entre nous, c'est que moi, il me fait révélation que votre divinité est une divinité unique. » Et donc, c'est un être humain. Nous n'avons pas le droit d'adorer ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Sammeytuka al-mutawakkil. » Allahu Akbar. « Je t'ai appelé al-mutawakkil. » Les savants, dans ce passage, ils disent « Aïe li qana'atihi bil yasir min al-rizq wa'atimadihi ala Allah fir rizq wa nasr. » Pourquoi est-ce qu'on l'appelle al-mutawakkil? Celui qui place sa confiance. Celui qui place sa confiance à cause de du fait qu'il se suffit de peu. Il se suffit de peu dans la subsistance. Et nous devons tous méditer sur cela. Est-ce que nous nous suffisons de peu? Ou alors est-ce que nous faisons partie de ceux qui ont besoin de beaucoup avant de dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, franchement je suis bien. J'ai un logement, je peux manger tous les jours. Alhamdulillah. Il y en a, subhanallah, al-ali al-azim. Un logement, une famille, des enfants, mayakfi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut. Je lui dis, Akhi, quand est-ce que tu vas t'arrêter? Tu vas t'arrêter quand? Quand est-ce que tu vas apprendre ta religion? Ah, j'aimerais bien apprendre ma religion, franchement. J'aimerais bien apprendre l'arabe, apprendre le Coran. Mais il n'y a pas le temps. J'arrive pas. Tu lui dis, oui, je sais que tu n'arrives pas. Je sais, ça se voit que tu n'arrives pas. Le problème, c'est que tu n'accordes pas suffisamment de temps pour apprendre ta religion. Pourquoi? Parce que tu es trop pris par la course contre le... C'est pas la course contre le temps. C'est la course contre l'argent. On veut cet argent. On le veut. Et donc, on perd notre temps. On perd. Les années passent. Tu te dis, subhanallah, ça fait combien de temps que j'ai connu l'importance de la sunna? J'ai toujours pas appris l'arabe. Toujours pas avancé dans le Coran. Toujours pas avancé dans le tafsir du Coran. Pourquoi? On se pose la question ici. Le fait de se suffire de peu. Et donc les savants, ils disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se suffisait de peu. Et qu'il mettait sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, concernant la subsistance et le secours. Et le secours, tu ne désespères pas dans la difficulté. Ça fait partie du tawakkul. C'est difficile. Les gens te mettent la pression. Le hijab dehors. Pour les sœurs, on te met la pression. Patiente. Allah Azzawajal, il va te secourir. C'est difficile, les gens te mettent la pression parce que tu es musulman. Patiente. Mets ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et sache qu'il va te secourir. Was-sabr ala intidar al-faraj. Et le fait d'endurer dans la patience de la victoire. Le fait d'endurer dans l'attente de la victoire. Inna ma'al usri yusra. Certes, avec chaque difficulté, il y a une facilité. C'est difficile pendant un moment. Patiente, endure. Iznillah, ça va passer. Voilà pourquoi je vous dis, les frères, ça peut être difficile. Les musulmans sont catalogués, attaqués. Patientez, ça va passer, inshallah ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Nous devons nous juste faire les causes pour respecter la législation de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Wal akhd. Donc les savants continuent à dire parmi les caractéristiques du mutawakkil, de celui qui met sa confiance en Allah. Wal akhd bi mahasinil akhlaq. Et le fait d'adopter le bon comportement. Ce n'est pas parce que les gens ils te font des injustices que tu peux te permettre d'adopter un mauvais comportement. Ce n'est pas parce que les gens mentent sur toi ou sur ta religion que tu peux te permettre d'adopter un mauvais comportement. Celui qui fait cela, il n'a pas compris le tawakkul. Il n'a pas correctement mis sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Wal yaqin bi tamami wa'dillah. Il y a aussi le fait d'avoir la certitude quant à la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. فتوكل عليه فسمي بالمتوكل. Et donc les savants ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc mis sa confiance en Allah, il fut appelé Al-Mutawakkil. Et donc dans ce hadith, parmi les caractéristiques citées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi وَلَيْسَ فَظَّنْ, et il n'est pas grossier. أي سيء الخلق. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de mauvais comportement. Et donc nous devons tous méditer concernant cela, les frères. Et ça peut arriver qu'on se trompe. Nous faisons tous des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. Ça peut arriver que tu puisses sortir une parole grossière. Ça peut arriver. Mais reviens, repens-toi. Et délaisse cela. Le musulman doit faire attention à sa façon de parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas grossier. Wala ghalidhan. Il n'était pas dur. Aï fi aqwalihi wa af'alihi. Il n'était pas dur dans ses paroles ni ses actes. Allah tabaraka wa ta'ala qui décrit son messager et qui dit wala kunta faddan ghalid al-qalb lan faddu min hawlik. Si tu étais grossier et avec le cœur dur, ils auraient fui de toi. Fa hadhan al-wasfan yub'idan an-nas min ad-din. Ces deux caractéristiques éloignent les gens de la religion, éloignent les gens de la vérité. Nous devons faire attention car nous sommes regardés, nous sommes surveillés, les gens. S'ils nous voient adopter un mauvais comportement, une dureté, cela peut les éloigner de la sunna. Ah, de toute façon, c'est eux. Ah, c'est eux, c'est toujours les mêmes. Ils sont durs, si, ça, ça. Non, adopte la douceur. Et rappelle-toi de cette parole. Mais qu'en elle nous fichait, il la zène. Waman nous min shayin, il la chaîne. La douceur n'est placée dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Tu as besoin de passer un message à quelqu'un, un message dur et difficile. Ya Ahi, tu as ça et ça comme défaut. Tu le passes en douceur, ça embellit la chose. Et la douceur n'est enlevée d'une chose sans qu'elle l'enlaidisse. Parfois, tu veux dire à quelqu'un quelque chose de beau. Ya Ahi, je t'aime. Mais tu le dis tellement mal que la personne se dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut lui encore? Tu vas me faire des problèmes encore. Et donc, nous devons faire attention à notre façon de parler, notre façon de nous comporter avec nos frères. Wala sakhaban ou wala sakhabun fi al-aswaq. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas de vacarme dans les marchés. Wa huna nata'ammal. Et ici nous méditons. Fi ikhwanina alladhina yaskhabuna fil masajid fi waqt ad-durus. Méditons sur nos frères qui vont faire du vacarme dans les mosquées. Au moment des cours, le cours il est donné, ils sont pas sortis de la mosquée. À l'entrée, on les entend jusqu'ici en train de nous déranger. Jusqu'ici. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas de vacarme dans le souk, dans le marché. Que dire de la mosquée? Le musulman doit faire attention à son comportement. C'est pas que tu marches dans la rue, tu veux voir ton frère, les voisins qui dorment. Ya Mohamed! Il y a les voisins qui dorment. Pourquoi est-ce que tu fais ce vacarme? Essaie de l'appeler d'une façon ou d'une autre. Ne va pas déranger les voisins. Ou parfois on est là sur le parking, oh, ça crie. Il y a des voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas de vacarme dans le marché. Alors que c'est un lieu dans lequel les gens crient pour leur prix, tel et tel prix, etc. Même dans le marché, il ne le faisait pas. Que dire des autres lieux? Et que dire des lieux de culte? Et aussi dans ce hadith, wala yadfa'u bis-sayyi'ati as-sayyi'a. Et là, c'est un point important, ne vous inquiétez pas. On a bientôt fini, inshallah ta'ala. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne répondait pas à la mauvaise action par une mauvaise action. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a. idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Les bonnes actions et les mauvaises ne sont pas égales. Elles ne sont pas semblables. Repousse le mal par la meilleure des façons. Repousse le mal qui t'est fait par la meilleure des façons. Et alors tu verras, celui qui a une grande animosité envers toi, celui qui est ton ennemi, il se comportera avec toi comme si tu es son ami chaleureux. Parce que tu as répondu au mal par le bien. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la voie de nos salafs, de nos pieux prédécesseurs. Tu réponds au mal par le bien. Regardez ce comportement exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fi hadhihi al-mar'a al-yahudiyya allati hawala qatlahu bilahm masmum. Regardez cette femme juive qui a essayé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une viande empoisonnée. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها. Le prophète صلى الله عليه وسلم a commencé à manger de cette viande. فتكلمت. La viande elle a parlé. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit à ses compagnons ارفعوا أيديكم. Levez vos mains. فإنها أخبرتني بأنها مسمومة. Car celle-ci elle m'a informé qu'elle est empoisonnée. Alors les compagnons ils ont interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم concernant cette femme qui a voulu l'empoisonner. Est-ce qu'on la tue, ô messager d'Allah? Elle a voulu tuer le messager d'Allah. Est-ce qu'on la tue, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à cette femme, mais hamalaki ala dhali, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Dans certaines narrations, il est cité que elle a répondu en disant in kunta nabiyan fala yadurruka ma sanat. Si tu es un messager, si tu es réellement un messager, alors ce que j'ai fait ne te fera pas de tort, ne te fera pas de mal, si tu es vraiment un messager. Wa in lam takun nabiyan faqad arahtu an-nasa mink. Et si tu n'es pas un messager, alors j'aurais éloigné les gens de ton mal, je leur ai permis de se reposer de ton mal. Fataraka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé. Faqalat al-ulama afa anha. Les savants ils ont dit qu'il lui a pardonné. Elle a essayé de le tuer. C'est pas elle lui a mis une baffe. C'est pas elle l'a insulté. Ou elle a menti sur lui. Ou elle m'a fait, comme parfois t'entends certaines personnes, je lui pardonnerai pas. Tu dis pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a mal regardé devant tout le monde. Ya Allah, il t'a mal regardé devant tout le monde. Subhanallah, il t'a mal regardé devant tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a essayé de le tuer. Elle a essayé de le tuer. Anas ibn Malik, il disait, je n'ai cessé de voir les traces de ce poison dans la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Et dans une autre histoire, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait réparti le butin. Et là, c'est là qu'un homme, il dit, إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ. Et certes, celle-ci est une répartition du butin, dont celui qui l'a faite n'a pas voulu le visage d'Allah, l'agrément d'Allah. Il ne l'a pas fait pour Allah. Ceci est une insulte envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une insulte. Une parole prononcée par un hypocrite. Alors Ibn Mas'ud, il a dit, il est akhbaranna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Je vais en informer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui a dit, Ibn Mas'ud, il dit, fataghayyara wajhuhu wa ghadib hatta wadidtu anni lam ukhbirhu. Ibn Mas'ud il dit, son visage il a changé et il s'est énervé à tel point que j'aurais voulu ne pas lui avoir informé de cela. J'ai regretté de lui avoir dit ça, tellement ça lui a fait mal. Ça fait mal parfois, t'entends que les gens ils parlent mal de toi. Les gens ils disent du mal de toi. Ça fait mal. Fait arayir al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a changé. Thumma qal, puis il a dit, فَقَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرْ. Certes, Moussa, il lui a été fait bien plus de tort que cela. Et il a patienté. Et il a enduré. فَهَكَذَا الْمُسْلِمُونَ لَا يَرُدُّونَ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةَ. Les musulmans ne répondent pas au mal par le mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu peux te permettre de répondre par le mal. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Fabashiri sabirin. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighayri hisab. Certes, les endurants seront récompensés sans compter. Sans compter. Fahadihi ya ikhwa. Ba'du akhlaq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, mes frères, nous avons vu certes quelques caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nata'ammal, nous méditons ce prophète. C'est lui qui a dit à Aïcha radhiyallahu anha: "Ni'ama salafu ana laki." Quel bon salaf je suis pour toi. Quel bon salaf je suis pour toi. Idan hinama nakul إننا نتبع منهج السلف فنتبع منهج النبي ابتداء والصحابة تبعا. Et donc lorsque nous disons que nous suivons la voie des salafs, des pieux prédécesseurs, nous suivons la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout d'abord, puis celle des compagnons, et voilà leur voie. Regardez ces comportements, regardez ces mœurs, cette patience, cette miséricorde, cette douceur. Et ensuite, on va nous dire radicalisme. Radicalisme. Où est le radicalisme dans tout ça? Où est la dureté dans le fait de répondre au mal par le bien? Où est la dureté dans le fait de patienter face à quelqu'un qui essaie de me tuer? Où est la dureté dans le fait de ne pas faire de vacarme dans le marché? Voilà la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et c'est celle-ci que nous devons adopter. La voie de beauté, de cette belle religion. Et nous allons donc continuer à apprendre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les semaines à venir, inshallahu ta'ala, afin toujours de le suivre de la meilleure des façons. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une science profitable. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khairan.